se prenait pour une hirondelle quand elle descendait les ruelles de San Remo. J'avais les yeux collés sur elle tout en déployant mes deux ailes pour faire le beau. Et tous les jours j'apprends l'amour.